let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker. Du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir à tous et bienvenue sur Random. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus. Et voilà, donc c'est Random 21. Avec une émission un petit peu particulière, on va dire, parce que sans sujet, sans réel sujet technique complet. On est le 15 août. Hein. On est le 15 août, voilà. On rentre de week-end et on vous a quand même préparé des petites choses, on a des choses à dire, enfin surtout DB, comme d'hab. D'ailleurs, bonsoir DB. Bonsoir Martigan. Bonsoir. Donc voilà, donc peux-tu nous dire de quoi, essentiellement toi, tu vas parler? Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette 21e émission? On va faire un petit retour sur les conférences hackers, etc. Et puis sur ce qui va se passer dans les prochains mois au niveau international. On va reparler un petit peu de la DOPI, on va reparler un petit peu du filtrage internet. On va parler un petit peu de l'actu, un petit peu du logiciel libre, de ce qui bouge un petit peu de ce côté-là. On va parler de Debian, on va parler d'OpenSolaris. Et on va parler également d'un nouveau truc sorti par un gars qu'on aime bien qui s'appelle FNegnoX. Et on en reparlera un petit peu plus dans le courant de l'émission. On parlera de quelques failles de sécurité, notamment chez Dell, ils font des trucs assez rigolos. Et puis on parlera des Hackwix, par les copains de chez Eplug à Amiens. Et tout cela sera entrecoupé de musique libre, de la bonne chiptune comme on aime bien, et comme on le fait depuis le mois d'octobre dernier, donc presque un an maintenant. Et puis il y aura un agenda à la fin, où on parlera de la braderie de Lille. Quand même, on mangera des moules frites à la braderie, quoi. Donc voilà. Et on va peut-être commencer tout de suite. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, première chose. Première chose, en fait. Oui, donc voilà. J'ai du son dans mon casque, c'est cool. Première chose. Donc, la première chose, c'est donc l'appel à contribution du 27C3, donc le 27e Chaos Communication Congress, a été lancé donc le 30 juillet dernier. Alors, qu'est-ce que c'est que le 27C3 et le Chaos Communication Camp? Enfin, le Chaos Communication Congress, c'est le congrès annuel du Chaos Computer Club. Donc, on en a énormément parlé dans Random. Qu'est-ce que c'est que le Chaos Computer Club? C'est le plus ancien groupe de hackers du monde encore en activité, qui a été fondé à l'époque du mur de Berlin, au milieu des années 80, 84, je crois. Et qui est donc une grosse orga hacker en Allemagne. Une orga qui fait référence au niveau mondial et qui est donc très connue et très célèbre. Et alors, cette orga produit deux gros événements qui sont des références en Europe. Premièrement, tous les 4 ans, elle organise un camping en été qui est le Chaos Communication Camp et qui n'a pas lieu cette année, qui aura lieu, je sais plus, cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Et également, tous les ans, elle organise fin décembre, donc entre Noël et Nouvel An, elle organise donc le Chaos Communication Congress, qui est donc le congrès annuel du Chaos Computer Club. Et donc cette année, en fait, il se déroulera donc du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010. Et ben donc l'appel à contribution a été lancé fin donc 30 juillet et je vais vous lire en fait une traduction du communiqué officiel, donc une traduction parce que l'original est en anglais. Il est vraiment sympa et il est vraiment il caractérise bien en fait ce que c'est le mouvement Hacker et le Chaos Computer Club. Bon, comme d'habitude, hein, c'est une constante dans cet orga. Je vais donc vous le lire. Il s'intitule Nous venons en paix. Alors, nous venons en paix, dirent les conquérants du Nouveau Monde. Nous venons en paix, dit le gouvernement quand il en vient à coloniser, réguler et militariser le Nouveau Monde numérique. Nous venons en paix, disent les énormes méga-corporations qui veulent monétiser le réseau et enchaîner les utilisateurs et utilisatrices à leurs jolis appareils flambant neufs. Nous venons en paix, nous, hackers, geeks et nerds, quand nous avançons vers le monde réel et que nous tentons de le changer, car il s'est introduit dans notre habitat naturel, le cyberespace. Nous aurons l'occasion d'explorer mutuellement les intentions de chacun au 27e Chaos Communication Congress, 27C3, qui se déroulera du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010 à Berlin, en Allemagne. Nous vous invitons à nous envoyer nos propositions d'intervention, de conférences et d'ateliers concernant tous les sujets susceptibles de nous intéresser. Voilà, donc ça c'est le tout début en fait de l'appel à contribution. On mettra le lien hein, dans le résumé de l'émission Random. D'ailleurs, bon, sujet rapidement, hein, on est en plein été, tout ça, donc on est un peu labour sur le résumé des émissions, mais rassurez-vous, ils vont arriver dans pas longtemps. Alors, donc voilà, le 27C3, 27 au 30 décembre 2010, et vous pouvez envoyer vos contributions rapidement, etc. Alors ensuite, on en a parlé dans les émissions précédentes, dans les 2-3 émissions précédentes, comme tous les ans, le DEFCON, et lors du DEFCON, tous les ans, depuis quelques années, il y a la remise des Pony Awards. Donc les Pony Awards qui sont en fait donc une espèce de cérémonie mi-sérieuse, mi-loufoque, où on remet des prix aux bugs de sécurité les plus nuls ou les pires bugs de sécurité de l'année écoulée. Alors, donc forcément, le palmarès a été annoncé donc lors d'une cérémonie donc, qui s'est passée à Las Vegas le 28 juillet. Oui, 28 juillet. Et je vais vous donner un petit peu le palmarès dans les diverses catégories. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Donc on a le pony du meilleur bug côté serveur, le pony du meilleur bug côté client, le pony du meilleur bug d'élévation de privilèges, le pony de la recherche la plus innovante, le pony de l'éditeur ayant réagi de la pire manière. Le pony de la meilleure chanson, on vous passera cette chanson juste après. Et puis le pony du pire epic fail, on vous passera également. Enfin, on va passer un petit peu en revue tous ces trucs là. Donc voilà. Alors le pony du meilleur bug côté serveur, il est remis à la personne qui a découvert le bug côté serveur le plus intéressant et sophistiqué d'un point de vue technique. Cela inclut tout logiciel accessible à distance sans interaction avec l'utilisateur utilisatrice. Alors qui a gagné? Tadadam. The winner is Apache. Donc l'exécution de code à distance dans le framework Apache Struts 2. Nom de code CVE 2010-1870. Machin. C'est Meder Kidiraliev. Meder Kidiraliev. Et c'est la personne qui a découvert que une seule petite requête HTTP avec à peine 5 petits paramètres spéciaux suffit à exécuter du code de Java sur un serveur web. C'est sympa. Ils indiquent que cette personne gagne un petit point de bonus pour avoir été obligée de poursuivre les développeurs d'Apache sur IRC afin que cette faille soit fixée, enfin soit corrigée, après qu'ils n'aient reçu aucune réponse de leur part. En fait, donc ils contactent les développeurs pour dire voilà, il y a un bug de sécurité dans votre truc, un gros bug en plus est simple à exploiter, et en fait les mecs répondent pas et il est obligé d'aller les voir sur IRC. Bon, ça le fait moyen quand même. Donc c'était le meilleur bug côté serveur des Pony Awards 2010. Le Pony du meilleur bug côté client. Donc qui est remis à la personne qui a découvert le bug côté client le plus intéressant et sophistiqué d'un point de vue technique. Alors de nos jours, client c'est quasiment synonyme de navigateur web, mais il ne faut pas oublier les integer overflows, donc les dépassements de nombre entier, qu'on trouve dans les logiciels multimédia. Les players à la con, que tout le monde, enfin que la plupart des gens utilisent, on va dire. Donc là, c'est encore du Java, Java Trusted Method Chaining, donc qui a été remis donc à Sami Koivu. C'est un truc en fait donc qui disent, enfin, l'exploit casse complètement de base le modèle de sécurité complet de Java en fait. C'est plus la démonstration d'une nouvelle classe de bug que simplement une faille comme ça. Et voilà quoi, donc c'est le pony du meilleur bug côté client. Pony du meilleur bug d'élévation de privilèges, remis à la personne qui a découvert et ou exploité l'élévation de privilèges la plus intéressante et sophistiquée d'un point de vue technique. Étant donné que de plus en plus de systèmes de défense tels que la virtualisation et les contrôles d'accès obligatoires sont déployés, les failles menant à l'élévation des privilèges deviennent de plus en plus importantes. Ces failles peuvent inclure l'élévation des privilèges au niveau système d'exploitation local, l'évasion d'environnement sécurisé et l'évasion d'une machine virtuelle. Donc c'est un peu une grosse catégorie qui concerne les exploits où on devient root à partir d'un compte utilisateur, où on devient administrateur à partir d'un compte utilisateur simple. Là c'est Windows NT qui est gagné, Ils disent, Windows NT DSGP. Comment on dit Je sais plus comment on dit le dièse en anglais, bon c'est pas grave, Trap Handler. Donc c'est Tavis Ormandy qui a trouvé ça. Et ils disent que c'est donc l'une des failles les plus compliquées de l'année 2010. Il fallait pour l'exploiter en fait donc plusieurs petites astuces enchaînées l'une à l'autre. Et cette découverte montre une rare compréhension de l'un des aspects les plus obscurs de l'architecture Intel. Ce bug était présent dans toutes les versions de Windows depuis NT 3.1 jusqu'à Windows 7. Ce qui est pas mal du tout, en fait. Windows 7 inclus ou exclu ? Inclus. Inclus. All the way up to Windows 7. D'accord. Donc, ouais. Voilà. Le pony de la recherche la plus innovante. Remis à la personne qui a publié la recherche la plus intéressante et la plus innovante, que ce soit sous la forme d'un papier, d'une présentation, d'un outil, ou encore d'un message sur une liste de diffusion. Alors là, c'est un truc chez Flash, Flash Pointer Interference and GIT Spraying. C'est Dionysius Blazakis qui l'a gagné, pour avoir présenté deux nouvelles techniques pour casser la SLR, donc l'aléa dans l'espace mémoire, et en utilisant la machine virtuelle Flash AMV2. Donc un truc dans Flash pour faire tomber les techniques pour empêcher les exploits de fonctionner en fait. Et son travail était tout nouveau et il a ouvert la voie à d'autres recherches d'exploitation de bugs dans Flash. Ensuite, le Pony Award de l'éditeur ayant réagi de la pire manière. C'est un Pony Awards assez rigolo en fait. Je me souviens qu'OpenBSD l'avait eu pour le bug dans l'API IPv6 il y a quelques temps. Qui était le. Parce que apparemment Théo de Roth avait pas super bien réagi. Il y avait eu une petite cafouillade en fait entre la communauté de la sécurité informatique internationale et puis les développeurs d'OpenBSD qui avaient au départ considéré que c'était pas un bug de sécurité mais un bug de fiabilité, alors que ça impliquait quand même de pouvoir devenir root à distance sur un serveur OpenBSD. Donc bon, alors là cette année, le Pony Awards de l'éditeur ayant réagi de la pire manière est remis à l'éditeur ayant mal géré une faille de la manière la plus spectaculaire possible sur l'année écoulée. C'est remis donc à LanRev, Remote Code, enfin pour le, l'exécution de code à distance dans LANREV, qui est publié par l'éditeur Absolute Software. Alors c'est un truc, c'est un programme d'administration à distance, LANREV, et on en a beaucoup parlé en fait à une époque parce qu'il a été utilisé par une école en Pennsylvanie pour espionner les étudiants depuis leur propre maison. On avait parlé dans Random, je crois. Il y en a un qui s'était fait gauler grâce à la webcam qui avait été installée sur son laptop, sur son ordinateur portable, et puis les mecs de l'école, enfin l'équipe d'administration de l'école l'avait viré, etc. Et ça avait été le bordel. Et en fait, il y a donc une entreprise qui s'appelle Leviathan Security. Leviathan Security, quand même. Waouh. Alors, c'est une boîte... Belzébuth Security et tout, ça va être trop bien. Donc Leviathan Security avait découvert une faille dedans qui permettait à n'importe qui sur le réseau local de prendre le contrôle de n'importe quel ordinateur qui faisait, sur lequel tournait ce logiciel. Alors la réponse de l'éditeur du logiciel était ils disent hilarious, donc hilarante, hein, mais bon, c'est pas le terme que j'aurais employé. Il est théoriquement possible, est-il théoriquement possible d'exploiter ce bug ? Oui, bien sûr. C'est ce que disait Tim Parker, vice-président de la recherche et du développement d'Absolute Software. Il continue en disant cette phrase qui est énorme. Mais nous ne sommes pas au courant, nous n'avons pas été mis au courant d'un quelconque client qui aurait eu le moindre problème avec cette faille. Si un quelconque client... un quelconque de nos clients exprimait un jour un avis là-dessus, nous corrigerions immédiatement la faille de sécurité. Autrement dit, il n'y a pas de problème, il y a une faille de sécurité, elle est publiée, elle est connue de toutes et de tous. Il y a des exploits qui fonctionnent et qui sont sur Internet et qui voyagent comme ça, les gens qui passent de la main à la main. Non, on va pas corriger la faille, ça ne sert à rien, on ne va la corriger que le jour où un client ou une cliente se plaindra. C'est quand même énorme, quand même énorme. En gros, on mettra un compte sécurité le jour où quelqu'un se tirera une balle dans la tête, quoi. Ouais, bah ouais, carrément, voilà. Ouais. Et donc, je reçois un texto qui nous dit... Oui, les Pony Awards, est-ce qu'il y a un rapport avec les ponies ? Tout à fait, oui, tu peux aller voir sur le site web. Il y a un petit poney, en fait, sur le site web, c'est rigolo. Et je suis désolé d'avoir mon portable qui sonne dans le studio. Non, mais écoute, pour le coup, ça donne de l'interactivité. C'est qui t'envoie ça ? C'est Little Charlie. Ah, d'accord. C'est excellent, les gens de l'équipe qui ne sont pas à l'émission et qui viennent... nous envoyer des textos alors qu'ils savent très bien qu'il faut nous appeler pendant les plages musicales au 03 20 91 24 00. Ouais. Et pendant les plages musicales parce que sinon ça sonne et on l'entend à l'antenne. Bordel. Donc voilà, le Pony Awards de la meilleure chanson, et on va vous la passer tout à l'heure. Donc elle a été mise donc à Poned de Dr. Raid and Evie Pennies. On va vous passer, c'est un truc assez rigolo avec un petit refrain marrant qui fait That's how you get pound. On verra bien. Et oui, il pleut déjà ici à Lille, donc on s'en fout un peu. Enfin, Lille Villeneuve-Lesque, sur ce fabuleux campus de l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Et alors, le Pony Awards, donc le dernier Pony Awards quand même, après j'ai fini, promis. Le Pony du meilleur, enfin du pire Epic Fail de l'année. Qui est quand même revient de droit, hein, j'allais dire. À Microsoft Internet Explorer pour la faille dans son filtre XSS8, c'est dans Microsoft Internet Explorer 8 qui a été publié avec un filtre anti cross-site scripting, donc je sais pas comment on dit en français les failles XSS. Un filtre anti-XSS qui était fourni de base et qui en fait activait du cross-site scripting sur des sites sécurisés. C'est génial. Grâce à ce filtre, on pouvait exploiter des failles qui étaient censées plus fonctionner grâce à ce filtre en fait. C'est génial. Epic Fail, donc chez Microsoft. Ça fait quand même deux trucs chez Microsoft. Un pour un Microsoft Internet Explorer et un deuxième pour toutes les versions de Windows allant de NT 3.1, le truc qui existait avant Windows 95 quand même, et Windows 7. Et puis un chez Apache quand même, c'est assez rigolo. Ouais. Voilà, et puis un pour les sociétés, enfin pour les boîtes qui, pour une boîte qui publie un outil de surveillance et de flicage des élèves d'une école. On va passer un petit peu de musique, donc on va passer cette superbe musique Pound Lit Edition de Dr. Red and Evie Pennies. Et on revient juste après, restez à l'écoute des programmes de Radio Campus 106,6 FM. Là, à tout de suite. À tout de suite. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouvez nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Reviens, tu t'amuseras, je te le promets. Dude, I saw you in fucking ZFO. They got you and everyone in your fucking chan. What? You got all. Dude, you got Nginx running on your fucking web server? Yeah, dude, Nginx is going to what? They popped your box and took your damn key. Took your damn key. That's all you got. Those beasts of you and your sis, they base 64 encoded that shit and dropped it in the Z. That's all you got. They took you, your keys, they took you everything. Got that's all you got. Shots, even if you fire Fox, too late for the wire shock. Just take your entire box, say your prayers, tie your knots, apply your patches, try attaching a debugger to the process, try dissecting my attack. You won't find shit, why is that? My shell code repairs the app's entire stack. Looking at your application and I'm salivating, cause you fail validation on sized allocations. Calibrating for my address offset, your process just joined SoftSex botnet. Kitty, kitty, jack you by the IP octet. And that goes for any kitty that talks shit. If I talked it, I popped it. Code that I audited, I found holes and locked it. You couldn't overflow the kitchen sink. Let me show you how it works. Click, click, click this link. Kitty, kitty. That's how you got owned. That's how you got owned. That's how you got owned. That's how you got owned. To the track without a trace, I replace your netstat LS, but you can't see nothing. I'm in your chan with ops, your box is popped, your wall is dropped, you better power down or run in. I'm on the state of attacks with the hacks, your antivirus is whacking. I'm back with more exploits, endpoints, port knocks, root joints, port knocks. Give me all your gold, it's sold before your job drops. Your heart's falling, your mom hears you falling. Don't come crawling for your keys and your wallet. Conclusion, security delusion. Client sides, we win, you know we still getting in. Yeah, every move is giving out the secret keys to the kingdom. Your queen is mine, it's checkmate. Even applets will fall like the walls to Jericho. Even brute force, let's be see which way you go. Pull a swift, your bone, got shit, your bone. Active X, your bone, even Chrome, you got owned. That's how you got owned. That's how you got owned. That's how you got owned. Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Tu es dans la matrice. Mes ordres à la lettre, mes ordres à la lettre, tu es dans mes la ordres matrice. À la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Random, le magazine de la contre-culture hacker, du bidouillage, des libertés numériques et de la société de l'information.

Voilà, donc de nouveau Random, mission 21 sur Radio Campus. Donc là, vous venez d'entendre, c'est Tom Waits Home, le titre Sofa Chips. Et c'est à base d'Amiga, en Commodore 64. Commodore 64, ouais, lui, attention, ça rigole plus. Voilà, tout ça en Creative Commons. Et juste avant, il y avait... Juste avant, c'était Pwned, donc le gagnant du Pony Awards pour la meilleure chanson, donc Pwned, par Dr. Red et Ivy Penniz. Et on vous mettra le lien pour le télécharger légalement. Alors, il n'y a pas de licence pour cette chanson-là, par contre, j'en ai pas trouvé. Mais bon, dans l'esprit, le but du jeu, c'est qu'elle est sur Internet et qu'on peut la télécharger et la passer à la radio, quand même, bordel. Et donc voilà. Alors maintenant, on va parler donc un petit peu, comme d'habitude, hein, nos marronniers habituels, Adopi et filtrage d'Internet. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le front de la Adopi récemment ? Première chose en fait, donc Adopi, qu'est-ce que c'est ? C'est donc la haute autorité pour la protection des droits d'auteur et des œuvres sur Internet. La Adopi, qui en fait est une autorité qui ne sert à rien, qui est une autorité administrative, et qui en fait se base sur une autre commission qui est la CPD, commission de protection des droits, qui elle est le bras armé des polices privées de l'industrie du divertissement pour fliquer et répressionner, comment on dit, réprimer les 90% d'internautes qui téléchargent illégalement, hein, plutôt que de changer la loi, on la durcit. Hein, quand un usage plaît pas à l'industrie du divertissement et même aux grosses industries de manière générale, plutôt que d'obliger ces industries à changer leur modèle, on préfère faire en sorte qu'elles puissent continuer sur leur modèle complètement archaïque et faire en sorte que voilà, elles puissent continuer à toucher du pognon alors que les usages de la population, hein, du peuple souverain qui est censé avoir le pouvoir dans une démocratie, voilà, il n'a pas le pouvoir du tout, en fait, au contraire, on l'oblige à continuer comme avant, alors que lui, il voudrait bien continuer, enfin, changer un peu les choses. Et donc, alors la première des choses, c'est que il faut bien garder en mémoire que a priori, les premiers mails seraient envoyés en septembre. Donc, le premier mail pour la braderie de Lille, ça serait rigolo. Tu reçois un mail et puis en fait, c'est la braderie. Ah merde. Et de quoi vraiment gâcher la braderie de tout le monde. Mais non, elle ne sera pas gâchée. On picolera comme des trous dans la rue, comme d'habitude. Et Adopi ne nous enlèvera pas ça. Donc elle enverra ses premiers mails, a priori, en septembre. Alors, il y a des problèmes, encore une fois. Comme d'habitude, ça fait quand même plus d'un an que cette loi s'est fait retoquer, puis ensuite est repassée, machin, qu'elle est toujours pas en activité, que là, elle doit l'être en septembre, mais que les décrets applicatifs n'ont pas tous été publiés, et que en plus, Benjamin Bayard, président de French Data Network, donc plus ancien fournisseur d'accès à Internet, encore en activité en France, donc qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif. Et Benjamin Bayard, bon, je vais reparler après sur le filtrage, Benjamin Bayard avait demandé donc un recours en référé, enfin il avait annoncé donc un recours, et en fait il choisit la technique du recours en référé, c'est-à-dire un recours, une justice relativement rapide, donc une demande en justice assez rapide, pour prendre de vitesse la Adopi, sur le fait que un des décrets d'application serait pas aux normes, quoi, serait pas législativement ok. Et donc ça risque de repousser encore la parution des décrets puisque tout est gelé en attendant. Il y a également des choses assez rigolotes qui sont passées en fait, puisque là maintenant en fait on commence à avoir les fournisseurs d'accès à Internet qui prennent un petit peu leurs responsabilités. A savoir que comment ça marche la Adopi, c'est la transposition en droit français du principe de réponse graduée ou riposte graduée selon les termes qui sont, enfin, selon le côté d'où on se trouve, hein. Si on est anti-Adopi, on va dire que c'est une riposte graduée, si on est pro-Adopi, on va dire que c'est la réponse graduée. Alors en tout état de cause, les fournisseurs d'accès vont donc être, enfin comment ça marche la loi Adopi concrètement, il y a des fichiers qui se baladent sur les réseaux de téléchargement de pair à pair. C'est-à-dire que ce sont des réseaux de partage. Donc on partage sur des sources et on connaît ces sources puisqu'on dialogue avec elles, on discute avec elles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une liste de 10 000 fichiers. On surveille qui partage ces fichiers en regardant la liste des sources pour ces 10 000 fichiers. Et on envoie premièrement un mail, ensuite un courrier recommandé, ensuite on coupe la connexion internet. Si on continue à désobéir, on se fait couper la connexion internet, qu'on continue à payer au niveau du fournisseur d'accès, et en plus ça n'empêche pas une poursuite légale, puisqu'il faut quand même rappeler que la mise à disposition d'informations sous licence copyrightée est passible de prison ferme en France. Hein, faut quand même se rappeler ça. Hein. Depuis la loi d'Avzi, donc la loi sur les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information. Et donc, comment ça va marcher techniquement ? Les polices privées donc, vont établir, les polices privées mandatées par les majors de l'industrie du divertissement et complaisamment accréditées par la commission internet, enfin commission nationale internet et liberté, la fameuse CNIL, vous savez le truc qui fait pas son boulot. Et donc ces polices privées en fait vont envoyer des dossiers tout préparés, tout faits à la Hadopi, qui elle fera transiter ces dossiers à la commission la CPD, donc commission de protection des droits. Et cette commission de protection des droits enverra des mails ou vous fera couper votre accès à internet. Alors le problème, c'est que pour vous envoyer un mail, il faut savoir qui vous êtes. Au départ, en fait, ce que les polices privées vont récupérer, ce que les milices privées vont récupérer, ça va être donc uniquement des adresses réseau, des adresses IP. Il faut faire la correspondance entre une adresse IP et une personne. Et comment on fait ? On demande au fournisseur d'accès quel est le détenteur de telle adresse, enfin quel était le détenteur de telle adresse, tel jour à telle heure. Pour ça, en fait, puisqu'on veut envoyer 10 000 mails par jour, quand même, il nous faut une procédure qui soit automatisée. C'est-à-dire, on clique, et puis hop, on y est. Cette procédure, elle va coûter de l'argent, parce qu'il y a des choses à mettre en place au niveau des fournisseurs d'accès Internet, qui ne sont pas... Enfin, c'est pas prévu pour un usage comme ça. Quand on a besoin de regarder les logs des connexions, les journaux des connexions, en règle générale, c'est sur demande de justice, donc il n'y a pas de besoin réellement d'avoir un truc automatisé. On regarde à la main, ou on regarde plus ou moins à la main, avec des outils automatisés, mais qui ne font pas la totalité du travail. Et là, en fait, surtout pas qu'ils vont l'envoyer de manière automatisée à une autorité administrative à Paris. Il va leur falloir un système comme ça, ce qui va coûter de l'argent à développer, à mettre en place et à maintenir. L'opérateur Free a chiffré ce surcoût à environ 8,5 euros par abonné et par requête. Enfin, par abonné par mois. 8,5 euros par abonné et par mois. Non, par requête. C'est 8,5 euros par requête. Ce qui, multiplié par 10 000 mails par mois, nous amène quand même à une coquette somme de plus de 80 000 euros par mois et par fournisseur d'accès. On voit un peu l'étendue du budget que va prendre la Hadopi en plein temps de crise économique mondiale juste pour fliquer des gens parce qu'ils téléchargent sur Internet. Voilà, tous les mômes de 15 ans qui téléchargent Taxi 4, on va quand même claquer du pognon qu'on ne claque pas dans les écoles, qu'on ne claque pas dans les écoles notamment, ou dans les facs ou autres. On se désengage des facs, etc., pour en fait filer du pognon à une autorité de répression qui va taper sur les gamins de 15 ans qui téléchargent sur Internet. Bravo, quand même. C'est waouh. V'là la France. Et un certain nombre de fournisseurs d'accès ont annoncé des arguments un peu équivalents, notamment chez Orange, etc., à l'exception notable de SFR. SFR, donc filiale du groupe Vivendi, pour qui, qui a donc vachement intérêt en fait à ce qu'on répressionne à fond les mômes de 15 ans qui téléchargent Taxi 4 et le dernier album de Madonna. Il faut absolument réprimer ces méchants gamins qui menacent la stabilité du monde. Et donc, pour SFR Vivendi, cette mise à disposition des coordonnées réelles et de la correspondance entre une adresse IP et un nom d'abonné, elle se fera gratuitement. SFR va collaborer gratuitement avec la Hadopi pour refiler les noms d'utilisateurs, enfin les coordonnées du titulaire de la ligne qui a piraté enfin piraté entre guillemets, qui a récupéré, téléchargé tel ou tel fichier appartenant à la liste des 10 000 fichiers surveillés par les polices privées des majors du disque et du cinéma. Alors face à ça, en fait, il y a plein de possibilités, hein. Il y a des réseaux de partage sécurisés, il y a la possibilité aussi de passer par du téléchargement direct qui ne peut pas être fliqué par ces polices privées. Et puis il y a également la possibilité de passer par des services de VPN, donc de réseaux virtuels, de réseaux privés virtuels, et un certain nombre d'entreprises très opportunistes. On pourrait parler en fait du fait que toutes les thunes de la Hadopi génère déjà maintenant une économie parallèle qui est celle qui est tenue par Mega Upload et d'autres sites du même type qui font Mega Upload, RapidShare, Hotfile ou des choses comme ça, qui sont donc des sites de téléchargement direct où des gens mettent un truc sur le site. Ils uploadent un truc sur le site et après on peut le télécharger, il y en a 10 000 qui peuvent le télécharger derrière, ça pose aucun problème, sauf que Mega Upload c'est un gros truc, un énorme truc avec plein de pubs sur chaque page, fois X milliers de visiteurs par jour, ça génère quand même une grosse quantité de pognon qui va direct dans la poche de Mega Upload. Bon, et ben là, il y a d'autres services très opportunistes, là il y a Adoping qui vient de se monter, où c'est les entreprises qui vont... sur la base d'un abonnement par mois et par abonné, donc on s'abonne à ce service, et puis on peut télécharger peinard et à grande vitesse, sur des réseaux qui sont sécurisés, chiffrés, et dont les serveurs sont basés dans des pays qui ne demandent pas, enfin où il n'y a pas d'obligation légale de refiler, de conserver les traces des connexions des utilisateurs et utilisatrices, notamment l'Islande ou la Suède. Ou d'autres pays limite offshore, etc., mais des pays en Europe, il y en a aussi. Parce que forcément, une connexion qui va au Panama, elle sera beaucoup plus lente qu'une connexion qui va en Suède. Surtout que la Suède est très bien équipée. Donc, voilà un peu les effets pervers de la loi Hadopi, et puis voilà un peu aussi comment on peut faire pour passer complètement outre cette loi débile. Ensuite, est-ce que je fais le filtrage internet tout de suite, ou est-ce qu'on repasse de la musique ? Je vais reparler du filtrage internet vite fait. Il s'est passé quelque chose d'assez énorme sur le dossier du filtrage d'Internet en France tout récemment. Alors si on revient un petit peu sur le filtrage d'Internet, alors les premières idées de filtrage d'Internet, elles reviennent quand même, c'est un vieux débat qui dure depuis 15 ans, il faut filtrer Internet pour empêcher les enfants de voir des contenus porno, il faut filtrer Internet parce que, vous comprenez, il y a des méchants terroristes barbus et musulmans qui en veulent à nos libertés fondamentales. Il y a des méchants pédo-nazis qui veulent absolument mettre des enfants à poil sur Internet, et des gens qui regardent ça. Donc il faut filtrer Internet, et donc voilà. Et vous comprenez, c'est obligatoire, il faut ça. Ça fait 15 ans qu'ils en parlent, la loi Lopsi est passée, donc une loi antiterroriste qui implique, dont l'un des volets concerne le filtrage d'Internet en France, elle a été passée et elle sera donc, elle est passée au Sénat et elle sera au calendrier parlementaire à la rentrée. Ça a été annoncé, je crois que c'est lors du fin septembre ou mi-septembre. Elle sera la loi Lopsi à l'ordre du jour de la rentrée parlementaire, il y a une news chez Numérama. Et donc ce filtrage d'Internet qui sert normalement à filtrer, à empêcher l'accès aux sites pédoporno, de pédopornographie sur Internet, eh bien en fait à quoi elle sert concrètement ? Ta-da-da ! À filtrer les jeux d'argent en ligne. Normal, attention. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a une loi qui a été passée juste avant la Coupe du Monde pour autoriser les jeux en ligne en France. Alors les jeux en ligne en France, comment ça marche ? Vous montez une entreprise de jeux en ligne, et vous la faites agrémenter, vous devez obtenir l'agrément de l'ARJEL, autorité de régulation des jeux en ligne. Et qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui n'ont pas l'agrément ? Tadam ! Et ben ils sont filtrés. Ce qui veut dire qu'en fait on protège le business des entreprises qui sont en France, des entreprises françaises, pour les joueurs français. Autrement dit, vous ne pouvez plus jouer au poker avec des Chinois ou avec des... ou avec des Argentins, ou je ne sais quoi, il vous faut passer par des plateformes qui sont labellisées ARJEL, et pour ça, en fait, c'est bien certain que des entreprises basées à Taïwan ou autres n'auront pas, ou difficilement, l'agrément de... Enfin, ils ne l'ont pas à l'heure actuelle, en tout cas. Ils n'ont pas l'agrément de l'Argel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se fait filtrer. Et alors là, qui s'est fait filtrer? Tadam ! Décision de justice pour une saisine qui date du mois de juin dernier. Donc vous voyez un peu le temps que ça met. Hein. Adopi, ça met un an à se mettre en place. Par contre, le filtrage d'Internet, ça met... on dépose une saisine en juin, elle est jugée ces derniers jours, et stanjames.com doit être filtré. Et ce qui est intéressant dans cette décision de justice, c'est que les opérateurs ont carte blanche. Ils ont obligation de résultat, mais ils ont carte blanche sur comment il faut faire. Et alors là, c'est ouf, parce qu'il y a plein de méthodes, on sait qu'elles marchent pas, mais il va falloir les mettre en place, parce que la loi l'y oblige. Et qu'il y a une décision de justice qui dit que il faut filtrer tel site, donc stanjames.com. Voilà, donc la loi sur la pédopornographie sert déjà maintenant à filtrer autre chose que de la pédopornographie. On sait que le ministre Brice Hortefeux a attaqué il y a quelques semaines, on en avait parlé dans Random, le site Indie Media Grenoble pour propos anti-flics. On sait que d'autres pays ont testé le filtrage, notamment par liste noire. Ça a servi à filtrer des pages Wikipédia et des pages d'opposants au projet de filtrage, en Australie par exemple, et en Angleterre pour Wikipédia. Voilà quoi. Voilà à quels abus on s'expose immédiatement dès le départ, tout de suite quand on met la main dans l'engrenage dans l'engrenage liberticide du filtrage d'Internet. On va filtrer Wikipédia, on va filtrer les opposants politiques. Et on va filtrer les jeux en ligne. Et au final, la pédopornographie, tout le monde s'en fout. Toujours sur le dossier du filtrage d'Internet, et après j'arrête parce que j'ai d'autres trucs à parler, des trucs un peu plus légers et un peu moins politiques. Puis on va passer de la musique aussi, tant qu'à faire. Il y a un rapport gouvernemental qui est intitulé « La neutralité de l'Internet, un atout pour le développement de l'économie numérique », un bidule de 45 pages sans les annexes. Qui a été publié. Déjà, premièrement, rien que le titre du truc. Donc oui. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce document? C'est le résultat d'une consultation publique qui a eu lieu, qui a été lancée par NKM. NKM, vous vous souvenez, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est celle qui veut mettre des puces, qui voulait mettre en place IDNUM, des puces pour identifier, des puces électroniques pour identifier les citoyens, avec des méthodes qui rappellent un petit peu une époque où... Ça marche bien avec les chiens. Ça marche bien avec les chiens, tout à fait. Ouais. Pourquoi pas avec les hommes, après tout. Et puis, dans le même sujet, on en a quand même un, là, qui réclame un sénateur, je crois, UMP, tiens. Ouais, UMP. Qui réclame l'identification de tous les internautes, machin. Alors, donc, il y a eu une consultation publique, et voilà le résultat. Donc, rien que le titre, déjà, c'est énorme. Une consultation publique sur la neutralité des réseaux de communication. Un atout pour le développement de l'économie numérique. Voilà, on vous parle de neutralité d'Internet, et le gouvernement nous répond « développement de l'économie numérique ». C'est donc ça, le sens que ça a, à l'heure actuelle en France, la neutralité d'Internet. L'économie numérique. On a déjà eu la loi sur la confiance en l'économie numérique. C'est la loi qui dit que l'hébergeur a toujours tort, sauf s'il dénonce. Et bien là, on a le rapport gouvernemental qui se sous-titre un atout, enfin, qui se titre la neutralité de l'Internet, un atout pour le développement de l'économie numérique. Qu'est-ce que dit ce rapport ? Alors, il y a écran.fr qui a balancé une analyse assez intéressante, et surtout Benjamin Bayard, toujours chez écran.fr, qui a publié une très longue interview qu'il faut lire. Il faut la lire. Autant j'aime pas du tout la quadrature du net, autant Benjamin Bayard, je deviens de plus en plus fan de ce type-là. Benjamin Bayard, donc l'actuel président de l'association French Data Network, donc fournisseur d'accès à Internet associatif, dont j'ai présenté un petit peu les qualités tout à l'heure. Qu'est-ce que dit Benjamin Bayard là-dedans ? Il dit que c'est un rapport qui est complètement... qui est très faible, donc les propositions très faibles sur la neutralité du net, pour qui la neutralité du net est une neutralité qui ne doit pas gêner les intérêts économiques, et pour qui la neutralité du net n'est pas forcément incompatible avec le filtrage d'Internet. Voilà ce que dit Benjamin Bayard, et il pense que c'est dommage. Il y a notamment un etc. qui est assez rigolo pour parler de ce qui va être filtré. Qu'est-ce qui va être filtré? La pédophilie, les jeux en ligne, machin, etc. Qu'est-ce qu'on fait rentrer et qu'est-ce qui ne rentre pas dans ce etc. Grande question. Alors ça, c'est faut bien garder à l'esprit aussi que ça, c'est un rapport parlementaire, un rapport gouvernemental. Ce n'est pas une loi. Il y a encore des choses qui peuvent changer. N'empêche que on voit clairement la direction que ça prend. Entre la LOPSI qui a été votée, la ADOPI qui a été votée, toutes les lois liberticides qui ont été votées depuis la LSI, la loi sur la sécurité, non, la LSQ ou LSI, la loi sur la sécurité quotidienne et la loi sur la sécurité intérieure. Toute cette avalanche de textes sécuritaires qu'on a en France depuis novembre 2001, qui a pas commencé avec la droite, qui a commencé avec la gauche sous Jospin, juste après les attentats du 11 septembre. Toute cette avalanche de lois sécuritaires, et là maintenant, un rapport comme ça, franchement, c'est pas génial. Et ça fait un petit peu peur. Voilà ce qu'on va devoir expliquer à nos enfants quand on leur parlera de l'époque où il y avait un internet libre et indépendant en France. Sur ce, on va passer un peu de musique. Y'aura. Tu nous mets quoi? J'ai prévu... Alors c'est Trash IT Robot Sneakers. C'est parti. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur Random. Donc vous venez d'entendre que je chope mon papier, pardonnez-moi. Donc ouais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Trash IT Robot Sneakers. Voilà, tout ça à fait. Ça n'a pas changé. Encore un petit peu de chip tunes en musique libre. Pour continuer l'émission sur une note un peu plus légère, on va parler un petit peu de l'actu du logiciel libre et de ce qu'on en pense exactement. Alors la grande nouvelle. La grande nouvelle de ces derniers jours, hurra, la base de code de Debian 6.0, Squeeze, vient d'être gelée. Wow. Je sens que tu vas être médisant. Quoi ? Moi, médisant ? Sur Debian ? Absolument pas. Donc, elle a été gelée le 6 août dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que donc le gel donc de cette prochaine version de Debian, la distribution GNU Linux, la célèbre distribution GNU Linux qui réduit l'entropie de ses, qui réduit l'aléa dans ses, dans son SSL. C'est arrivé une fois. Oui, mais c'est une fois de trop. Excuse-moi. Mais... Donc une, qui est, je sais pas si elle a eu un Pony Awards pour ça d'ailleurs, il me semble, hein. Il me semble que Debian a eu un Pony Awards pour ça. Donc ce gel de code avait été annoncé en fait en octobre 2009, il avait été annoncé pour mars 2010, mais il n'a, mais en fait finalement en février ils ont dit non non, on gèlera pas en mars et ils gèlent en août. Alors, on voit un peu le temps que ça prend pour passer d'une version à l'autre chez Debian, c'est ouf quoi. Alors donc elle s'appellera Squeeze. Alors, chose que j'ai découvert tout à l'heure sur la page Wikipédia anglaise des releases des versions, des noms de versions de Debian, c'est que chaque version de Debian porte un nom de code provenant d'un jouet dans Toy Story. Dans le dessin animé Toy Story. Alors il y a eu Sarge, il y a eu Lenny, il y a eu Buzz. Depuis le départ, c'est-à-dire depuis la fin des années 90 hein, quand même que. Que chaque version de Debian est nommée comme ça. Donc Squeeze, en fait, c'est l'alien à trois yeux dans Toy Story. C'est celui qui fait, le grappin est notre maître, tout ça. J'ai vraiment... Et voilà, ça m'a fait halluciner, quoi. Et d'ailleurs, la branche instable, en fait, qui a toujours le même nom, c'est Sid. Sid. C'est le petit garçon méchant, ouais. Entre guillemets, méchant. Oui, voilà, c'est celui qui voulait chouraver les jeux de Woody. Non, de Andy. De Andy, ouais. Andy. Taqué sur Toy Story. Ouais, random, taqué sur Toy Story, attention. Et donc j'ignorais complètement ça. Enfin, ça prouve un petit peu l'intérêt que je porte à Debian, mais voilà, j'ignorais ça et j'ai découvert ça tout à l'heure. C'est ouf, quoi. Et donc voilà, Debian 6.0 Squeeze, on l'aura peut-être d'ici 5 ans, en version stable. Là, c'est testing, en fait, d'après ce que j'ai compris. Ouais. C'est testing. Donc le Debian testing actuel s'appelle Squeeze. Voilà. Et deviendra stable. Deviendra stable, un de ces quatre. Bah donc voilà, donc en fait on voit un petit peu que dans le logiciel libre le logiciel libre est une vraie fourmilière où il y a plein de projets très différents qui fonctionnent de manière très différente. On sait par exemple que chez Ubuntu, chez OpenBSD et d'autres, il y a une version qui sort tous les 6 mois et on oblige en fait un cycle de développement relativement court comme ça, où tous les 6 mois on se pose, on teste tout. Et on fait presser les CD et on fait, voilà, c'est une nouvelle version. Debian fait partie des projets qui eux préfèrent avoir un cycle de développement vachement long, qui permettent de laisser le temps de tout tester de manière, manière vraiment très très intensive, et où les utilisateurs et utilisatrices sont, ont la possibilité en fait de passer, d'utiliser tel pactage qui vient de l'arbre testing, qui est en test, et alors que tout le reste du système est en stable ou autre. C'est pas forcément génial de faire ça, mais... Ah, vas-y, répète, j'ai pas compris là, ce que t'as dit. Bah, quand t'as un système stable, ouais. Tu peux utiliser des pactages testing. Ouais. Ou même carrément instable ou expérimentaux. Oui, ouais, tu peux. Mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir un système stable. Ouais. Si tu veux tout en testing, bah, tu prends tout le système en testing. Ouais, après, c'est pas comme dans FreeBSD, où on va avoir vraiment le noyau et le userland qu'on va pouvoir définir, ouais. Et après les ports, ce qu'on appelle les ports, où ça c'est différent, on prend des versions très récentes sur un système stable si on veut. Là ça va être vraiment, à la limite c'est du cas par cas quoi, logiciel par logiciel ou petit groupe de logiciel par petit groupe de logiciel. Il n'y a pas vraiment de distinction entre userland et Il n'y a pas de notion de système de base en fait, moins important dans Linux. Donc voilà, donc Debian 6.0 Squeeze, un de ces quatre, dans les bacs. Autre news assez rigolote. Après, j'en ai une grosse news aussi à partager avec nos auditeurs et auditrices. Oh non, t'as pas... Alors là, on va se faire bâcher, mais un truc de fou. T'as pas le droit de balancer des vannes pareilles. On s'excuse auprès des auditeurs et auditrices qui auraient été choqués par les propos de Martigan, qui est tout rouge, du coup. T'as quoi être rouge, parce que Oracle ferme Open Solaris. Ça y est, Open Solaris, c'est fini. C'est pour ça que je suis rouge, en vrai. Ouais, c'est pour ça que t'es tout rouge. Donc voilà, Open Solaris, c'est fini. Donc Open Solaris, qu'est-ce que c'est? Enfin, plutôt, qu'est-ce que c'était? Solaris, en fait, c'est le système Unix qui était développé par Sun. Enfin, qui est toujours développé par Sun. Mais maintenant, Sun a été racheté par Oracle, donc voilà. qui fonctionnait donc sur les ordinateurs, stations de travail et serveurs de chez Sun. Le problème, c'est que c'est un truc qui est, pour maintenir, quand une entreprise doit maintenir un système d'exploitation, on sait très bien ce que ça donne avec Microsoft et Apple. C'est extrêmement compliqué, il y a plein de trucs, il faut maintenir plusieurs versions parce qu'il y a des supports commerciaux qui doivent être faits, etc. Bref, c'est compliqué, donc Solaris avait été, il y a une version distribuée par, une version communautaire de Solaris qui avait été faite, avec un modèle de développement ouvert et une licence qui était la licence CDDL. Donc c'est une licence reconnue comme libre par la Fondation pour le logiciel libre, mais incompatible avec la GPL. Autrement dit, c'est encore une énorme source de troll. Et donc en fait, là, Oracle, on se demandait un petit peu tout ce qui allait se passer pour suite au rachat de MySQL par Sun, puis de Sun par Oracle. On se demandait un peu ce qui allait advenir de l'architecture Spark, de MySQL et de Solaris. Bon bah on a quelques sources de, on a quelques pistes là de ce qui va se passer exactement. Oracle a décidé d'arrêter à la fois la publication de la distribution OpenSolaris et son modèle de développement communautaire. Donc voilà, ça y est, OpenSolaris n'existe plus. Ça n'a servi à rien d'apprendre ZFS et toutes les bidules, tous les bidules d'OpenSolaris. Maintenant c'est que Solaris. Et voilà, et ben et ben voilà quoi. Tout ça de tout, autant de bruit pour rien. L'émission presque finie, donc je vais me dépêcher parce qu'on avait une news assez importante à diffuser et puis je crois qu'on va dépasser un peu pour que je puisse faire l'agenda. Donc Vincent Plouzet, qu'on salue au passage, sort une distribution GNU Linux orientée radio amateur. Elle s'appelle FDGNUX, c'est un live CD basé sur Ubuntu 9.04, c'est-à-dire Jaunty Jackalope. Donc FDGNUX, donc une distribution Linux orientée radio amateur, ça fera plaisir à tous les petits à tous les bidouilleurs et à toutes les bidouilleuses qui nous écoutent. Moi je voulais en parler en fait parce que ça nous permettait de parler de Vincent Plouzet, qui est une personne assez connue dans le milieu hacker français, pour une mauvaise raison. Hein. Donc Vincent Plouzet, c'est Larsen en fait, donc le créateur du magazine électronique HVU dédié à la radio amateur, et l'un des grands noms en fait du milieu underground français de la fin des années 90, début des années 2000. Pour celles et ceux qui se souviennent pas ou qui n'ont pas connu cette époque, il a eu quelques emmerdes et il a tout simplement servi d'exemple à la DST. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout bêtement, il a publié dans ce magazine HVU à l'époque, en 97, je crois, les fréquences radio de la police, qu'il avait obtenues de manière tout à fait informelle, en faisant un job de journaliste, hein, tout bêtement. Il a recoupé les informations et puis il a publié le résultat de ses recherches. Résultat, DST, arrestation, machin, sous des chefs d'inculpation antiterroristes et tout, machin, c'est quoi ce hacker et tout. Et au final, eh ben, il a salement morflé en fait. Et voilà. Donc là, il avait arrêté tout ce genre d'activité en continuant sa passion qui est la radio. Et là il nous sort FDGNUX, donc une distribution Linux orientée radio amateur. Et voilà. Alors on nous envoie qui nous dit qu'il faut boucler l'émission. Donc on va rapidement passer à l'agenda en vous invitant à télécharger donc FDGNUX et à suivre un petit peu les liens qu'on va vous mettre sur dans le résumé de l'émission qu'on publiera un de ces quatre. Promis. Promis, ouais. Donc l'agenda de l'émission, donc prochaine émission Random 22, ce sera le dimanche 29 août. Mardi 31 août, c'est la clôture des candidatures pour les Hackweeks numéro 2. Alors ça, je suis désolé de pas avoir pu en parler, mais c'est un truc vachement bien. Vous pouvez aller voir sur hackweeks.eplug.org. Eplug, c'est un truc à Amiens, voilà, et donc c'est un espèce de hackathon que les gens de l'orga des RMLL d'Amiens les rencontres mondiales du logiciel libre d'Amiens, ils ont lancé un nouveau projet qui est vachement intéressant et qu'on aime beaucoup. Vendredi 3 septembre 2010, ce sera donc la veille de la braderie de Lille et ce sera donc le meeting de 1600 Lille, comme d'habitude. Tout rendez-vous 19h30, grand place, devant l'entrée du Furet du Nord, www.2600lille.org pour toutes les informations. Alors du vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2010, il y aura le Wireless Battle Mesh version 3.14.16 à Florentville en Belgique. Toutes les infos sur battlemesh.org, mais on s'en fout un peu en fait, ça tombe pendant la braderie donc personne n'y sera. Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2010, braderie de Lille, le groupe Dégénéré Science Lille, le local host et également Hackable Devices tiendront un stand au village des logiciels libres organisé par l'association Stinux. Ce sera place du Vieux Marché aux Chevaux, métro République, République Beaux-Arts sur les nuits 1. C'est juste en face du Café Citoyen en fait. Donc on y sera sur les deux jours et puis vous pourrez venir nous rencontrer et puis nous dire que vous êtes fan de Random et que vous adorez ce qu'on fait et que voilà, et organiser un groupe de supporters du groupe des Générations Science Lille. Dimanche 12 septembre, Random 23, dimanche 26 septembre, Random 24, et vendredi 1er octobre 2010, Meeting 2600 Lille. Et puis... c'est tout en fait, de toute façon. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. On a méga dépassé, en plus qu'on avait commencé en avance. Non, ça va, 2 minutes, c'est bon. On va vous passer une dernière musique avant de clore l'émission. Et on vous souhaite une excellente soirée. Et restez à l'écoute des programmes de Radio Campus. Après notre petite musique, ce sera votre émission électro préférée. C'est quoi qu'on passe là, tout de suite? C'est quoi qu'on passe là? C'est Hit Rabbit. C'est Hit Rabbit. C'est Hit Rabbit. Hit Rabbit, tout à fait. Hit Rabbit, et le nom de la chanson, c'est The Book of Dead Seahorses. C'est sur l'album Kiss the Dolphin, sorti sur le web label Da Earth Hit Records en 2009. Et Hit Rabbit, c'est un fou. Voilà. Vous allez entendre, mais c'est vraiment, ce type est fou. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. A ciao, bon dimanche, au revoir. Can your heart stand the shocking fact about... Send out.